Maintenant, on pourrait dire qu'il va faire notre toon thème qui va bientôt changer pour une autre, hein, Israël? Oui, oui, effectivement, ah. Mon chum. Et voilà, donc, on pèse play pour l'entendre. C'est peut-être le glas pour notre toon thème ici à 70%, chanté par l'ex-saumon Pierre Bilodeau. Bonsoir, Dave Ouellette, alias MCG, en studio. Émotion, les gars. Émotion. Ben, écoute, c'est ma première fois dans le micro de choc et je t'avoue que je suis complètement poulpi et heureux. Bon, ben voilà, pourquoi pas le combo parfait. Mm. Ben oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, toi, Israël? Je vais vous parler de mon chum, le petit... Le petit Jérémy, ouais. Celui qui fait beaucoup pitié, là. Ouais. Et voilà. Moi, je vais parler de « Il était une fois le diable ». Ceux qui se tiennent au courant sur le site Internet ont vu que c'était ça cette semaine. Un film de Bernard Launois. Voilà, un Français qui faisait des films de cul et qui essayait une seule fois dans sa vie de faire autre chose. J'ai un petit fait sur... ben, on va poser des questions à Dave, MC Gilles... Appelle-moi MC, j'aime mieux ça. MC? Ouais, Dave, ouais. C'est out. Hey. Surtout que mon vrai nom, c'est Dave Eric, fait que, tu sais... Oh, boy! Scoop sur les ondes de choc. Et voilà, tout le monde est au courant maintenant. Et puis sinon, ben, on va parler des gobos aussi un petit peu. OK. Puis, ben là, MC, tu vas nous parler de la première toune qu'on va aller écouter, qui s'appelle, bien sûr... J'ai peur, hein, parce que... Sale pédophile de merde. Oui. C'est par Fléau, et puis, ben, c'est un opus de Prince Smirnoff. C'est choquant, ça, je t'avertis. Voilà, ben, c'est ça, c'est tout, hein. Le titre dit ce que ça a à dire. On appelle ça un lien, parce que, vois-tu, les pédophiles se tiennent sur Internet, les auditeurs de choc aussi. Alors, d'un coup, qu'il y a un croisement et que les deux fils se touchent et que les effluves font zing-zing, eh bien, les pédophiles vont arrêter grâce à la prochaine tour. Je tiens à dire qu'il y a, voyons, Guy Cloutier sur la pochette. Oui, très, oui, de Prince Smirnoff. L'album s'appelle Sale pédophile de merde. Et la toune s'appelle « Sale pédophile de merde ». Donc on écoute ça à Choc FM 70%, on revient juste après. C'est touchant. Oh oui, sûrement. Yeah, c'est ça, man. Yeah, mon pédophile de merde. J'arrive pas à comprendre. Yo, les jeunes filles dehors. Si vous êtes victime d'abus ou quoi que ce soit, dénoncez ces salopards. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ces gens. Comment un homme peut faire pour vouloir pénétrer un enfant? Ils disent que c'est une maladie. Fuck tout ça. Merde les gens qui croient ces conneries, c'est de la merde mon gars. J'ai écouté l'histoire, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Un policier avec expérience, un prédateur de merde, un violeur, un tueur d'enfants, un bousilleur de vie, un homme avec une formation pour chasser la nuit. Et je suis sûr que ses propres collègues ont participé aussi. Le Québec est rempli de sales flics pourris. La preuve, ils veulent le faire passer en psychiatrie. Leur but, faire le juste, sentencer folie, Benoît Gay de merde. Et je comprends pas si je commets un crime simple, on m'enferme. Et des salopards comme le Doc Mayou disent qu'il faut couper leurs graines. Non, il faut leur loger une bonne balle dans la cervelle et les regarder publiquement comment ils crèvent. Et yo, fuck Magistène, c'est un pédophile. Lui est Chief K, adore les mineurs de la ville. Il les regarde, il les mitraille avec leur Kelly Eyes. Il les charme, il les emballe pour leur dire cœur aval. Yo, fuck Magic Spell, c'est un pédophile. Lui est Chief K, adore les mineurs de la ville. Il les regarde, il les mitraille avec leur Kelly Eyes. Il les charme, il les emballe pour leur dire cœur aval. Si quelqu'un touche un membre de ma famille, je les crève. Même si c'est un policier ou un politicien de merde. Pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. De toute façon, les juges du Québec dans leur les abuseurs d'enfants. De toute manière, ils sont tous fuir, affolent tous les enfants. Jeunes filles, faites attention. C'est dangereux de vouloir paraître plus âgé simplement pour attirer l'attention. Les clubs, la drogue et l'alcool, c'est une mauvaise direction. Il est mature, il me comprend, mais c'est un mauvais garçon. Il aime me toucher, m'admirer. Il est trop vieux pour moi, cherchant juste à éjaculer. Je l'aime, mais il me demande de le faire avec ses amis autant âgés. Hey yo, fuck Magic Stan, c'est un pédophile. Lui est Chief K, adore les mineurs de la ville. Il les regarde, il les mitraille avec leur Kelly Eyes. Il les charme, il les emballe pour leur dire que ravale. Yo, fuck Magic Stan, c'est un pédophile. Lui est Chief K, adore les mineurs de la ville. Il les regarde, il les mitraille avec leur Kelly Eyes. Il les charme, il les emballe pour leur dire que ravale. Et yo, fuck Magic Stan, c'est un pédophile. Lui est Chief K, adore les mineurs de la ville. Il les regarde, il les mitraille avec leur Kelly Eyes. Il les charme, il les emballe pour leur dire que ravale. Yo, fuck Magic Stan, c'est un pédophile. Lui est Chief K. Écoute-moi bien, je sais que tu es le chef du clan des ninjas de la Force Diamant. Je sais aussi que tu es hérité des pouvoirs magiques de tes ancêtres, les ninjas Warrior. Mais tu ne me fais pas peur. Moi, je suis un descendant des ninjas noirs et j'ai pour intention de reconstruire l'empire de mon clan. Dans peu de temps, je serai le maître de ce pays. Afin de réussir, je vais être obligé de t'éliminer, Gordon. L'assassinat de ta femme n'était qu'un début. Tu vas bientôt aller la rejoindre. Et le pouvoir de ton clan sera anéanti à jamais. Personne ne peut s'opposer à moi impunément, Gordon. Ne l'oublie jamais. Et prépare-toi à mourir. Extrait de Ninja Boxing Force, wow. Réalisé par Godfrey Ho, produit par Joseph Lai. Excellent. Le duo de Hong Kong. Mais là, on va poser des vraies questions après avoir, comment dire, subi le prince Smirnoff. Je voudrais pas être méchant. On va partir Mega Man 2 ici. Ça va être sans background pour ouais, la mais il y avait un message. Excellent. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était profond pis tout. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, c'était profond comme le film Abyss. Oui, très, très profond. Oui. Donc, MC. C'est moi. Toi, toi, t'as une émission de radio à CISM. T'es un habitué du domaine que moi aussi, j'essaie de faire découvrir à mes auditeurs depuis déjà une quatrième d'année. Ben oui. La mare douteuse. faut pas dire des affaires vulgaires. Hein. Moi, j'ai appelé ça le douteux avec le temps. Parce que, ah, tu sais, oui. Ça provoque des questions. Tu te dis, voyons, pourquoi ils ont fait ça? Ils nous prennent pour qui? Ils n'auraient pas pu la refaire. Tu sais, ces affaires-là, ça, oui, ça pose des questions. Donc, c'est un bon choix. Ben oui, moi, ben je oui. dis sous-sol, mais tout ça, c'est pour pas choquer personne. Hein, parce que quand voilà. tu dis trash ou poche, il y a toujours des gens que tu as fait jouer qui te regardent et qui veulent t'assommer un coup de poil d'en face. Ben là. Oui, c'est ça. C'est légitime aussi parce que c'est quand même leur rêve. Hein. Ils ont mis leur oui. sang et leur ouais. temps là-dedans. Leur là. Âme. Leur âme, oui. Donc, ben moi, en fait, c'est toute la mise en scène. C'est pour savoir, toi, MC, oui. comment perçois-tu l'objectivité douteuse? Est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que tu penses qu'il y a des affaires qui font que c'est sûr qu'il y a personne qui va trouver que c'est de la qualité, mettons? Ben, écoute, moi, je pense qu'on va trouver toujours par trouver quelqu'un. Écoute, moi, ma famille vient de Lac des Aigles, là, le bar avec... plutôt le village où il y a un bar de danseuse, pas de S, parce qu'il y a juste une danseuse. Puis je vais t'avouer que dans cette famille-là, il n'y a pas grand-chose de douteux. Hein? Okay. Donc, je te dirais que tout peut être bon jusqu'à un certain point. Et moi-même, je t'avouerais qu'en écoutant Le routier et l'enfant, par exemple, de John Starr, j'avoue avoir versé quelques larmes. Ah, alors, tout se peut. Je l'ai amené, Le routier et l'enfant. C'est une bonne toune, ça. Ben oui, ben je voulais justement... Je sais que toi, t'es un amateur de country. Ah, j'aime ça. À faire pleurer un petit peu facile, mais c'est pas pire, on va pouvoir la mettre. Et écoute, mais on va ouvrir ton micro. Ouais, c'est ça, c'est drôle que tu mettes lui en exemple. Écoute-moi, John... c'est un grand pour moi. Ben, oui. Même si c'est des maudites reprises qu'il fait, parce que c'est pas une version originale, hein. C'est tout repris de la France, des States, ces affaires. Ah, ok, là où les vraies émotions se vivent. Exactement, là où il se passe des vraies choses, où on tue des vrais gens. Et voilà, pour les vraies raisons. Crois-tu en l'astrologie, MC? Non, pas du tout. Par contre, je trouve ça excessivement intéressant. Quand les planètes sont alignées, là, il se passe plein d'affaires gagnantes. Mais non, mais je trouve ça toujours... j'avoue m'amuser beaucoup quand des jeunes filles comme ça sur la rue te croisent et te disent « C'est quoi ton signe? » Puis là, tu leur dis « Complètement pas ton signe. » Puis là, ils disent « Ah, oh, c'est pour ça que t'es ça telle façon. » Ça paraissait, je l'aurais su. Exactement. Moi, je suis chevreuil ascendant moufette. Et voilà. Hey, est-ce que tu joues à Magic? Oh boy! Non, et ça, je t'avoue que... Non, c'est une des... J'ai pas tout essayé de kitsch dans ma vie, de cheap. Okay. Mais me battre avec des épées en styrofoam ou garrocher des dés pour tuer mon adversaire, je n'ai jamais, malheureusement... Je sais que Magic, c'est plus des cartes, là. Oui, oui, oui, oui. Oui. T'es collectionnes, puis t'essaies de voler la carte qui brille de l'autre. Moi, j'étais plus carte d'hockey, Moi, j'essaie d'aller chercher le Mario Lemieux vintage de mon voisin, ce qui fait que Magic, ça a comme passé par-dessus moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour ça, là. Si vous, à la maison, vous avez les cheveux longs, puis vous aimez ça... célibataire et jouer à Magic. Ben, c'est un bon truc. Il y a bien du monde, n'est-ce pas, qui ont des relations sexuelles, ma foi, explicites et douteuses, parce qu'ils disent que les esprits de leur jeu leur ont dit de le faire. Hein. Ça peut ouvrir un univers fantasmagorique, ça. C'est ça. À chacun sa bourse intellectuelle, on pourrait dire. Hey, mais peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu des bons invités que tu as eus à ton show. Là. La prochaine, ça va être Israël qui va la poser, là, mais ouais. Des personnes qui sont venues partager le douteux avec toi à ton show de radio. Là. Je sais que tu as déjà eu Ghislain Tachereau. Oui. Ça, c'est quand même... une bonne pointure. Parce que moi, la condition pour quelqu'un qui vient à l'émission, là, tout comme vous, il faut que la personne soit capable de se moquer, un, d'elle-même, et deux, de nous ressortir quelque chose qu'elle a fait de cheap. Hein? Et à ma grande surprise, là, du monde comme Yann Perrault, là, qui a une coupe de cheveux branchés, ça, tu te dis, ça se peut pas, tu sais, j'avais fait de tonnes de boîtes. Ben non, lui ou Steffi Choc, là, ils ont, tu sais, ils en ont fait de la merde, puis ils l'assument. C'est bon. Ce qui fait que, oui, ben c'est ça, je te dis, c'est ça le but. Puis une fois que tu as compris que telle affaire, ben c'est ordinaire, ben tu peux après faire de quoi de bon. Mais ben, peut-être que dans 20 ans, ça va être pas bon ce qu'ils font, là, tu sais. peut-être que nous autres aussi, ce qu'on ferait présentement, là, dans 35 ans, il y a quelqu'un qui va le faire jouer dans une émission de radio à Pong FM, la radio du cégep de Longueuil, et puis l'affaire va être Kettle Shop, là, ça va être fourraine. Ah, ça se peut, c'est déjà arrivé. Hein? Ben oui. Toi, Israël. Excellent. Ouais, j'ai deux, trois questions. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du douteux qui choque, là. Y a-tu déjà des gens qui t'ont poursuivi, comme j'ai déjà entendu parler d'une histoire de Guillaume Lemay, Kaya, Rudy? Ben, Guillaume Lemay, il est bien fin. Moi, j'ai parlé au téléphone parce que j'avoue me moquer beaucoup de Guillaume Lemay de Tivierge. Et d'ailleurs, j'ai vu les trois petits cochons hier et c'est la première fois que je le trouve crédible dans un rôle. Il joue un retard, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il était crédible pareil. Tout ça pour te dire que lui, il a trouvé ça drôle que je rise de lui. Par contre, non, à date, là, j'ai eu deux plaintes et c'est pas si pire, là, en cinq ans d'émission. C'est pas vraiment Rudy Kaya, c'est plus son agent, n'est-ce pas? OK. Parce que moi, j'ai fait jouer Vert Vénus, qui est un groupe de la relève, qui a fait une chanson qui s'appelait Mike Ribeiro, n'est-ce pas? Oh. Et comme c'est sorti à peu près en même temps que la toune Dale Hawerchuk, moi j'ai dit que c'était le I Want to Pong vraiment culte là. Ouais, ouais. Et puis j'ai dit ça en onde et puis malheureusement ben là le jeu du téléphone arabe a commencé puis là ça finissait à la fin que j'étais un maudit qui avait dit que c'était des sales des maudits. Puis là j'ai reçu un email de Rudy Kaya bien fâché qui m'a dit que j'étais un imbécile, un cave. Et ce qui m'a évidemment fait faire la semaine d'ensuite, la comédie musicale Rudy Kaya MC Gilles où j'ai chanté le email de plainte de Rudy Kaya. Alors, ça a été très bon. Et hey, ça m'a valu, à ma grande surprise, des excuses. Alors, comme de quoi, quand quelqu'un se choque contre vous, ben l'humour, hein, ça fait la job en calvasse. Bonne... Hey, mais c'est justement une question que je voulais te poser. T'as déjà chanté pour quelqu'un? Ah oui? Ben oui, t'as chanté pour Rudy Kaya. Oui, c'est vrai. Ben, est-ce que tu peux nous chanter ce que t'as chanté pour Rudy Kaya? Ça serait pas pire. Ben, en gros, c'était mauvais en diable. Ben, mais en gros, ça bonne place. En gros, ça commençait par MC Gilles. Tu es un trou de cul, un imbécile, un cave qui n'écoute pas la musique qu'il fait jouer. Tu es un con, un imbécile heureux, quelque chose de même là. Hey, c'est touchant. Ouais. Tu vois la voix derrière l'homme. J'en pleure, là. Ah oui, j'en ai la larme à l'œil. La deuxième fois, c'était un chum d'une fille, parce que c'était un gars qui m'a envoyé une chanson. Et il m'a dit, fais jouer ça, c'est drôle, on a fait ça pour rire, tout ça. Puis je savais pas, moi, que c'était sa blonde qui chantait dessus, mais il me l'a envoyé, fait que je me dis, ça, il veut que je la fasse jouer. Et je l'ai fait jouer, puis durant la chanson, j'ai dit, oh, la chanteuse, quand même, hein, elle aurait besoin d'un petit cours de chant ou quelque chose de même. Et puis malheureusement, c'était la copine du gars, et puis le gars était pas content. Ce qui m'a valu un courriel que je voulais à l'instant même, celui-ci, lui, je me rappelle texto, c'était, moi, je suis espagnol, et moi et mes amis espagnols vont t'attendre, dans un coin noir d'une ruelle, et tu vas te faire péter les jambes. Ah. Ce qui, malheureusement, n'est jamais arrivé. Voilà, ouais, ben, ça fait... Je veux dire, qu'est-ce que tu fasses péter les jambes? Est-ce que ça va faire que la chanteuse va mieux chanter? Non, mais ça risque d'y mettre sa map en galvasse. Ah, peut-être. C'est un de mes objectifs de vie, faire la première page du Journal de Montréal. Fait que ça serait comme l'occasion, là. Et voilà. Moi, je vais parler un petit peu du douteux de la journée. Ouais, ouais, c'est ça. C'est... Ouais, cool. On est pas mal rendu à ouvrir ça. Je pense que... Ah, avant, je vais dire... cidre versus bière. J'ai fait une petite recherche sur le très pratique Internet. Puis finalement, le cidre a autant de sucre que la bière, mais est un petit peu moins engraissant, de l'ordre de 20 calories au 100 grammes. Ça veut dire quoi, ça? Pense que vous êtes intelligent. Oui, c'est sûr, c'est Internet qui me l'a dit. Je comprends. Hey, Bernard Launois, là, ça, là, c'est un réalisateur français de la Normandie. T'sais. Les Normands, eux autres, c'est un peu comme les Basques ou les Québécois. Là, ils aimeraient ça avoir le pays comme dans le bon vieux temps. Normand, tu sais, lui, en plus, c'est un fer de lance de la culture de l'endroit, parce que en 1972, il faisait son premier film, il réalisait Lâcher les chiennes, une comédie 2X dans laquelle il y a des fellations et des fesses. Ensuite, en 1975, Les dépravés du plaisir. Ensuite, en 1976, Les machines à sous. Et puis là, en 1980, avec Sacré gendarme, Bernard Launois, notre Normand préféré, fait un petit changement, il passe à la comédie à rabais. Oh. Tu sais, comme Les tronches ou Les fous de Saint-Tropez ou Le facteur de Saint-Tropez ou whatever à Saint-Tropez. Les classiques, là. C'est ça, c'est ça. Et puis là, ben, à un moment donné, il se dit, 5 ans après Sacré gendarme et touche pas à mon biniou, il se dit en 1985, Bernard Launois, m'a offert un film d'horreur. J'ai commencé dans le X facile, j'ai fait des comédies cheap épaisses, m'a offert un film d'horreur. Tu sais, c'est la suite logique. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est à 12 minutes 45 du début, finalement, les personnages se parlent. Là, ce qui se passe, c'est que il y a comme une espèce d'ambiance glauque. Le couple est perdu dans une route loin des endroits principaux. Et puis, ben voilà, on va écouter ce qui se passe. Boy, je suis comme nerveux. Ouais, il faut que ça marche, là. Ben, ça me fout la chienne. In your face. Voyons, chérie. Pourquoi t'es-tu éloigné? Mes mains. Regarde mes mains. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. Allez, viens. Viens, nous repartons. La voiture est réparée. Ça m'est égal, je reste ici. Je ne veux pas aller plus loin. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Je vous trouverai à pied. Quelle actrice. Laisse-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Là, on a entendu le chat en background. Pourquoi on s'est perdu? Allez, viens, je t'en prie. Maman, t'as vu, maman? Il y a un village à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes presque arrivés. Arrivés! On arrive toujours avec toi, puis on n'arrive nulle part! Et maman, tu les as vus, maman? Qu'est-ce que tu peux y faire? Elles sont très belles, ma chérie. C'est pour ça que je t'ai épousée. La musique est bonne. Ah, c'est touchant. On dirait du Jean-Michel Jarre sur l'acide. Voilà, donc c'était la séquence d'entrée. Là, on comprend que le couple va vivre des aventures un petit peu difficiles. On va y revenir après la chanson qu'on va écouter présentement, c'est-à-dire « Ain't Sayin' » des Dinosaur Jr. Et puis bon, on vient avec MC et Israël. Ok, non. Ouais. Parfait. Alors bonjour public aimé, nous sommes en direct du vernissage de l'exposition de Bastien Donovan Pichet-Hutchison, un artiste montréalais à l'avant-garde de la peinture underground moderne. Parlez-nous de votre œuvre maîtresse s'il vous plaît, l'abîme sombre et inexpugnable du Me, Myself and I. Ouais, j'ai fait cette toile monochrome noire pour tenter d'exprimer la souffrance que je ressentais lorsque mon petit copain m'a quitté. Ce noir insondable est la représentation de l'épicentre métaphorique de cette incroyable douleur laissée par mon amour, nouvellement à sens unique. En tant qu'artiste marginalisé de la nouvelle génération Pomo, je me reconnais incommensurablement dans ce vide, cette représentation du vide. Cet abîme qui me caractérise, les entrailles de ma vacuité. Oui, effectivement, merci Bastien, ça se sent très bien ici, l'exposition, je vais la finir. Et bien sûr, on a vos deux autres œuvres, la belette et le siège. Et merci beaucoup d'écouter notre émission. Le thème, hein? Comme un papillon, Ça, c'est le nom de l'album du petit Jérémy, on le connaît tous. Hein? Il a chanté pour le Canadien, pour le pape Benoît XVI, avec Céline Dion à Las Vegas. Il aurait dit à sa mère un jour qu'il veut devenir un chanteur vedette. Eh bien, ça s'est réalisé. Puis un certain monsieur Alain Noël qui est tombé sous le charme. Ça, c'est le PDG de la presse des Renaissances de Paris. Puis il a décidé d'écrire le livre de la vie de Jérémy Gabriel. Ben, il aurait été mieux de pas se lever ce jour. Alors, justement, tout le monde est engoué. On dit ça pour engouement? Oh, si tu veux, oh, oui. On dit engoué. Pas mal engoué. Céline Dion appuie l'idée du livre parce qu'elle est très proche du petit Jérémy. Ben. Elle lui a donné un toutou porte-bonheur puis elle lui a envoyé des cartes à Noël. Elle est très, très proche. Ouais. Est très proche, a prié pour lui. Le pape Benoît XVI qui doit prier pour lui, par exemple, pour de vrai. Ben oui, sûrement, il est occupé. Ben XVI, il a aussi appuyé l'idée du livre parce que, paraît-il, qu'il a été émeu. Fou. Benoît est pour l'apparition d'un livre biographique sur l'histoire d'un handicapé qui a 8 ans. Qui chante. Puis ça va sûrement être 200 pages de blabla puis 100 pages de photos, mais en tout cas. Fait que il veut faire comme Normand Lamour, le petit Jérémy. Il veut chanter pour répandre sa foi. Il veut chanter devant des 100 fois des mondes pas chrétiens. Pour les convaincre. Pour les convertir, comme ouais, qu'on c'est dit. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que c'était ma nouvelle poche du jour, comme MC Gilles le fait à chaque jour. Il fait une nouvelle poche, mais toi, ça, c'est la mienne. T'es l'expert en petit Jérémy, tu vas m'aider parce qu'on a beaucoup d'assinage dans ma famille là-dessus. c'est quoi sa maladie, petit Jérémy, à part les oreilles basses, là? C'est le syndrome de quelque chose Thatcher, je me souviens plus, je l'ai lu sur Wikipédia tout à l'heure. Et ma sous-question est la suivante, est-ce qu'il est encore malade ou c'est du passé tout cela et il y a juste des séquelles de ce qui est arrivé? Non, il est très malade, c'est une déformation congénitale là, qui fait qu'il était sourd, mais il s'est fait plugger de quoi pour entendre. Ah, quand on parle de toute sa vie, on parle de longtemps ou de courtement? 6 à 8 ans. Là, ah, quand même. D'espérance de vie encore, tu vois. Ah non, ok, donc ça j'avais mal compris la question. Ok, non, là il était à 6 à 8 ans. Ah, c'est ça. Bon, parfait, je l'ajoute dans mes choix de Deadpool. La liste ici de MC Gilles. Pendant que t'écris MC Gilles, oui? Ta bande dessinée préférée? Oh, ça c'est une bonne question. Ben oui. Écoute. Elles sont toutes bonnes. Oui, mais je suis pas un gamer, puis je suis pas non plus un très grand amateur de bande dessinée. Là, je vais te décevoir bien raide, là. Mais non, attends un petit peu, ce serait quoi ma bande dessinée préférée? C'est effrayant, là. Je vais peut-être vous traumatiser, ben raide. Je vais sortir du RG avec Quick et Fluke. Ah, mais c'est hot, ça. Ouais, c'est très bien. Ah, ah oui, c'est correct de dire ça. Ben oui. Mais j'aimais ça, moi, il se passait rien là-dedans. Ah, oui, ça. Il y avait trois personnages, là. Il y avait le policier, il y avait Quick, il y avait Fluke. Ouais, il me semble que c'était gay un peu, non? Je sais pas. Ouais, pas mal l'œuvre de RG au complet est assez. Ouais, c'est assez gay. Hein. Ouais. En tout cas, mais c'est pas grave, j'aimais ça. Puis j'aime encore ça des fois. Ça pour te dire que. Sur la toilette. Oui. Mais c'est une excellente question. Écoute, on ne l'avait jamais posée, celle-là. Je suis assez impressionné quand même. Est-ce que tu savais, toi, que de se sentir les tours de bras, c'est un truc qui est très commun pour relaxer? Ah oui! C'est pour ça. Ben, tu devrais me le donner parce que je suis pas très relax souvent, moi. Ben voilà, tu pourrais essayer de sentir tes tours de bras souvent pour relaxer. C'est comme licher son coude, d'apparaît-il que c'est impossible. Ah non, mais c'est très possible parce que les records Guinness reçoivent à chaque jour des photos de monde qui peuvent. Puis maudit, là, je l'ai lu ça. Un autre mythe de Destru. De Destru, certain. Je me demande comment ils font, pareil. C'est comme pas notre bonus à nous autres. Là. Non. Moi, je suis moins la souplesse, là, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai une petite question. J'ai appris que tu faisais de la figuration. Est-ce que c'était parce que c'était ton rêve de jeune fille de devenir actrice? Non, c'est parce que faut comprendre qu'en tant que MC, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme la construction l'hiver. Hein? L'été, il se passe pas grand-chose. Ce qui fait que tu pognes les contrats qui passent. C'est comme je suis union des artistes, alors attention. Ben, quand ils t'appellent, tu te dis « Hey, ça t'entendrait-tu de faire de la figuration? » Ben, des fois, malheureusement, j'ai dit oui. Alors, voulez-vous, là, la sous-question, je la vois venir, ça va être « T'as figuré dans quoi, là? » Ouais. Vas-y. Alors, je vais pas la poser, mais... Vous avez dit, ça va être vraiment excellent. Un, j'achète du fromage dans le prochain Providence. J'arrive au comptoir et j'achète du fromage. Oui, c'est pour ta collection de films et d'émissions c'est poches. C'est parfait. Oui, garde ça et en tout. Tu demandes-tu le meilleur? Non, je parle pas, je suis figurant. Ah, ouais, si je parle, ils doublent le cachet et ils veulent pas. Ouais. Et dans dans une deuxième affaire, c'est dans les hauts et les bas de Sophie Paquin. Je suis un workaholic. Je suis assis derrière Sophie Paquin. Je suis dans une réunion de sexaholic. Je suis dans les sexaholic anonymes. Oh. Et oui, le sexe m'apaise et tout ça. Et là, tout dernièrement. C'est original. Oui. Tu guéris ça. Je vais travailler fort là-dessus. Et ma troisième fulguration, qui est vraiment probablement ma dernière parce que je j'aime pas ça, c'est dans le prochain Cruising Bar, dans Cruising Bar 2. Mm. Je suis dans un bar gay. Je sais pas pourquoi, ils ont vu que j'avais une moustache, puis ils se sont dit, oh, ça fait gay, je sais pas trop. Puis par chance, je suis en arrière-plan, là, quand ils rentrent dans le bar, puis je croise une fille, là, je sais pas trop, là. Ben non, pas une fille. Ben oui, je sais bien, mais moi, j'ai comme. Moi, je suis comme le underground du underground, je suis le divergent des divergents. T'es comme l'hétéro dans le bar gay, parce qu'il y en a tout le temps un, pareil. Ben peut-être, là, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est louche. Et voilà. Vous savez tout, les gars. On sait tout. Sauf ton adresse. Ah, ça va venir. Sinon, en quoi t'aimerais ça te réincarner? En un bon vieux venir. Je sens que ça va revenir, les venirs, puis ça vaut cher, un venir neuf. Un bon venir. Fait que dès que je meurs, me recycler en venir, tu sais, tu t'es pas touché souvent, mais quand tu t'es touché, ça compte pour la peine. Genre du beau corps de pouce, là, de quoi de solide. Quelque chose d'épais, là, de comme moi, là. Excellent. On va garder des questions pour plus tard. C'est une bonne question. On créerait le 7 jours, la réincarnation. Je l'ai déjà lu, là, dans les 101 questions, là. Ah ouais? Ah ben, ça se peut. Ça reste à valider tes idées, mon homme, watch-toi. Ah, les apprécie. Québécois est partout. Oui, surtout entre nos deux oreilles. Oh oui. Aïe, on va aller réécouter une autre séquence de l'excellent. Il était une fois le diable. Cette fois-ci, ça va être un long extrait de 4 minutes dans lequel on va entendre les vieux, parce que c'est tout le temps des vieux sages qui habitent à l'endroit depuis une couple d'années, qui connaissent les lores ou les légendes de la place. Puis eux, ils vont nous raconter une sombre histoire de bateaux pirates, de naufrageurs, de monstres SS, de momies. Et puis de chats noirs, de diables et de monde de descendance maudite. Donc voilà, je vous laisse avec. Je suis déjà excité. Et voilà, elle est très crédible. Oui, on vous revient à 70% dans 4 minutes 30 d'extrait pénible. Oh. Alors, patron, on attend les touristes? Oh non, jeune homme. Les seuls rares visiteurs qu'on rencontre encore par ici sont des personnes comme vous, des égarés. Des visiteurs, un jour, ou plutôt une nuit comme celle-ci, ils viendront. Et prions le bon Dieu de n'être plus là pour les recevoir. Allons, Louise, cesse de dire des absurdités, tu veux? Des absurdités, oui, bien sûr, il y a 10 ans. Lorsque la ferme des Trois Chênes a brûlé par une nuit de tempête sous une pluie diluvienne. C'était aussi des absurdités. C'est pas Ah oui. Je vous ai sauvé le bout de la plus épeurant. Mais personne ne l'a jamais prouvé. Il n'y a pas seulement 2 ans, ces 3 patrons pêcheurs qui ont disparu, corps et bien, alors que l'océan était on ne peut plus calme. Et toujours à la même époque. Tu sais bien que la liste serait longue si l'on voulait raconter toutes les étranges catastrophes. La prise de son, on peut remarquer quand s'approche du micro, quand elle s'éloigne. Ouais. C'est mal, il y a un perchiste qui a mal fait sa job là-dessus. L'équinoxe. Mais que voulez-vous dire? Là, elle a dit, ouais, c'est ça, elle a dit. Que se passe-t-il à l'équinoxe? Ça serait trop long de faire la liste des choses subtiles qui arrivent avant, pendant et après l'équinoxe. Faisait route vers nos côtes. C'est sûr. Genre tout le temps. C'est sûr, c'est sûr. Surtout à l'équinoxe. Vous savez où le jour est égal à la nuit? Les marées sont les plus fortes de l'année. 5 frères ont voulu tenter l'expérience des feux de rocher. Une ancienne pratique que les bandits utilisaient à l'époque. Il s'agissait d'allumer de grands feux sur les plus dangereux récifs, afin que les bateaux viennent s'y échouer. Puis ils massacraient les rares survivants jusqu'au dernier. Ben oui. Ils s'emparaient des cargaisons. Ils sont parfaits, ouais. Traître. La musique est d'occasion. C'est vraiment standard. Quand il arrive en avant de la grosse du gros manoir hanté, ben, c'est la fugue de Bach. Puis, pré-manché. Il y a eu des Anglais. Ouais. Il frétait la route des Indes. Et qui aurait, paraît-il, fait une courte escale en Égypte au retour, où il a chargé plusieurs caisses dont personne ne connaissait le contenu. Non. là, les bateaux pirates étaient allés en Égypte. On dit que la tempête cette nuit-là a été d'une rare violence. Il y a la tempête. Et que l'on va croire à la fin du monde. Les vagues, plus fortes les unes que les autres, n'ont pourtant pas découragé les cinq frères. Est-ce qu'on le voit en image pendant qu'il raconte? Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas ici, on n'a pas les codecs qu'il faut. De l'audio, c'est pour ça qu'on peut. Toujours mieux à la radio. Ouais. Oh, la nuit fut longue jusqu'au petit matin. Et voilà, on peut se calmer. Le calme est revenu. Notre littoral avait entièrement changé de structure géographique. Il semblait que la Terre avait avancé sur la mer. On ne revit jamais les cinq frères, ni le bateau. Sont-ils engloutis, enfouis dans la lande? Est-ce qu'on s'en fout? N'ont-ils jamais existé? La seule chose que l'on fera savoir, c'est que le bateau anglais a bien croisé nos côtes cette nuit-là. Car on a retrouvé le livre de bord le lendemain matin. Puis le bateau? À quelques centaines de mètres de la falaise. C'est ça l'intrigue? C'est allé. Le Condor, il s'appelait. Et les cinq frères? Ah, les cinq frères, eux, ils ont bien existé. Il y a même des descendants qui ont signé un pacte avec le diable. Et toi, Louise, tu divagues. C'est vrai qu'ils ont des descendants, mais ce ne sont pas des sorciers pour autant. N'empêche que la vieille, elle reste toujours cloîtrée dans sa masure avec son fils idiot. Et une fille que personne n'aurait jamais vue. Mais non, c'est un garçon qui est né infirme. Ce n'est pas pour cela qu'il est idiot. Lui, le garçon qui est né infirme, c'est l'autre personnage important du film, c'est-à-dire l'espèce de gros monstre incrédible qu'on va revoir un petit peu plus tard. On en parle. Et voilà, c'est lui qu'on entend. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Pardon? Il fait des sons, ton bonhomme, tout? Ouais, ouais, il fait... On va peut-être en avoir un. On va faire un... Là, c'est lui qui respire. Il y a du travail de bruitage là-dedans, on dirait ce qu'on voit. Ah, c'est, oui, c'est surtout le montage qui est vraiment le plus déficient. Ah, oui. C'est incroyable. Ça laisse à désirer. Oui, oui, c'est ça. Tout le monde est bien sûr les bienvenus pour venir l'écouter juste après ici à Choc FM. On a des acquis pour tout le monde on va projeter l'excellent Il était une fois le diable avec juste avant le pilote des gobos. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller écouter I Want to Sing de Marguerite Bilodeau, qui est très contente et souriante. On nous aime, c'est Gilles. Là, c'est une infirmière, ça. Elle, c'est une infirmière. 71 ans, elle est excessivement sympathique et elle m'a autoproclamé son agent, mais ce n'est pas une blague. Ce qui fait que toutes les semaines, à peu près, elle m'appelle, puis là, elle me dit « M. Gilles, c'est quand que je vais passer à Bon Baiser de France? » Puis là, j'explique que c'est compliqué, puis ça, puis là, une semaine après, elle me rappelle « Là, c'est quand que je fais un spectacle avec Jean-Lemire? » Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient, Marguerite. Donc, pour l'instant, on va l'écouter chanter qu'elle aimerait chanter. Mais elle est gentille. Ben sûrement, tout le monde est gentil. Et toute douce, puis toute. Donc voilà, Marguerite, ici à 70%, Madame Bilodeau. 71 ans, 70%. Lien radio, oui! Lien pédophile internet, 70, 71. Ça l'arrête pas, m'a dit. Ah, on va revenir à 70%. Écoute bien les paroles, mon homme. On est là-dessus. I wanna sing, I wanna dance, I wanna sing my love for you, and tell the world, give love a chance, like rays of sun, it will enhance all those you meet, all those you greet. I wanna sing, I wanna dance, I wanna sing my love for you, and feel the light flow with the rainbow, it brings the magic you will remember, like autumn leaves in September. I wanna sing, I wanna dance, I wanna sing my love for you, and tell you all I love you so, that life can bring those tender moments, may I now share them all with you. I wanna sing, I wanna dance, I wanna sing my love for you, and if I don't, my heart will break, and you won't know what I am living, and love won't grow, so please forgive me. So let me sing, so let me dance, so let me sing my love for you, and may your hearts turn in a whirl, and may your eyes look at the world with love and peace. These are the pearls. So let all sing, so let all dance, so let all sing and call what name. On va commencer. On a besoin d'Hélène en sapristi. Moi, je pense qu'on va peser plus sur notre trame sonore de Megamanza. Dans tes rails. T'en dansais-tu? C'est ça ma prochaine question. Oui, je mets le doigt dans Gilles, je mets le doigt dans Gisèle. OK. Le doigt aujourd'hui, dans Gilles, je t'ai pogné sur Internet, mon Gilles. Je t'ai trouvé sur Kiwipédia. Ah oui. Puis c'était assez intéressant. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs. Il y a des mauvaises langues qui disent: ah, oh, il s'est fait un Wikipédia. Non, non, c'est non, non, que c'est vraiment. Pas. C'est ça. Je suis rendu là encore dans c'est ce qu'on appelle l'encyclopédie libre. Hein? C'est comme le Canada, c'est libre. Oui. Ou les États-Unis, c'est libre. C'est pas mal une des plus belles inventions de l'humanité. Ah, moi, tant qu'à moi, ça. Moi j'aime vraiment ça, Wikipédia. Ça, puis les pyramides, là, c'est pas mal. Dans l'ordre, là. Mais peu importe. Hey, c'est-tu vrai, ça, que t'es titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques? Oui, j'étais même à 2 mois d'avoir une maîtrise, et puis je l'ai jamais déposée. Puis ça t'aide-tu à faire de la radio, ça? Oui, ça m'aide pas pire à comprendre. Ben, en politique, en sciences politiques, on veut pas devenir politicien, n'est-ce pas? On étudie le pouvoir. Ah. Puis, ce qui fait que quand un infoman m'envoie là, un lancement de quelconque politicien qui va dire des niaiseries, j'ai assez le flair pour voir qu'est-ce qui va être chenoute. Ah. Ouais, fait que mettons que j'étais voir André Boisclair, là, puis qu'il avait engagé Lucie Laurier pour la présentation, là, je me doutais fort bien que Lucie Laurier allait se planter solide, et j'étais le seul à l'affirmer, et comme de fait. Ah oui, t'avais mis ça dans ton pool de ceux qui se plantent. Exactement. J'ai plusieurs pools. On devrait faire ça d'ailleurs ici à Choc, là, avec tes films, on va se faire des pools. Ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Le pool du flop 2007, le pool de ouais, tout. Ouais, un champion 2007, là. Ben comme Marjo, moi j'étais au Danemark quand elle a fait un comeback, mais ça a comme fait un pétant mouillé. Ce qui est joyeux pour la majorité de ceux de notre génération. Tu n'as entendu parler au Danemark? Ben oui. Parce que tu venais... Parce que mes chums me disaient, t'es chanceux, toi t'es loin du comeback de Marjo. Turquoise. Hey, une autre question ici. Moi j'aimerais vraiment, MC, que tu nous racontes là, ici, là, à 70%, là. Oui. Un beau souvenir d'une fois que t'es allé dans un chalet. Tout le monde a ça, hein? Est-ce que vous la posez à toutes vos... Non, juste au meilleur. J'ai demandé à Stéphane Bureau la semaine passée s'il pensait que j'étais cute en fille. Et puis il m'a dit que oui, effectivement, il me trouverait cute en fille. Ah oui? Donc, tu vois, chaque invité a des questions différentes, mais tout le temps pertinentes. Ben écoute, une bonne expérience dans un chalet, c'est quand j'étais jeune, j'ai de la parenté, moi, à Forestville. Hein? Oh! Et il y a de la mouche en calvasse là-bas. Ben oui, je connais. Et mon cousin avait décidé que derrière son dit chalet, on allait construire une cabane dans un arbre. Et sérieusement, là, j'ai jamais vu autant de mouches noires que ça de toute ma vie. Je me rappelle regarder le ciel et voir, et c'est pas des jokes, là, pas beaucoup de bleu tellement qu'il y avait de la mouche. Oh, ça presti, oh. Hein? Puis le soir, là, t'oubliais ça tout de suite, là, feu de camp, pas feu de camp, citronnelle, pas citronnelle, là, tu te faisais manger solide. C'est, je pense, mon meilleur souvenir de chalet. Souvenir de chalet. Ouais, je sais pas si t'es encore la même à Forestville. Tu dis que t'as de la famille ouais, là-bas. Ben, non, plus à Sept-Îles, mais je suis passé une couple de fois par là. Moi, je viens de l'Abitibi, puis Israël aussi. Ouais, fait c'est que la mouche. On connaît. La aïe, en fait, moi, j'en ai une autre. Moi. Vas-y, mon gars. J'y vais. Ouais, tu travailles avec plein de médiums. Moi, c'est les questions sérieuses. Oui. Les meilleurs. J'en entendais rien de moins de toi. Fait que c'est ça. Tu travailles plusieurs médiums. T'es DJ, tu fais de la TV, de la radio. Tu travailles à la presse d'infos. Ouais. Mais c'est quoi ton médium préféré, hein? Ah, le préféré, c'est ce que je fais actuellement, c'est la radio. Ouais, alors, c'est de ça. Loin, de loin, et de loin. Je trouve ça super le fun que vous fassiez jouer des bouts de films. Parce que la radio, justement, ça fait ronner l'imagination. Hein? Et voilà. Même plus que le livre. Fait que, tu sais, le fait des films que tu as fait jouer, tu sais, toi, tu sais que c'est de la chenoute parce que tu as vu les images. Mais moi, je le sais pas. Ça fait que je m'imagine vraiment que ça va être super hot. Ça veut dire que quand je vais le voir, ce film-là, je vais le trouver encore plus mauvais. C'est oui. Fait que, sérieusement, c'est incroyable. Tu fais jouer un bruit d'auto qui passe ou un bruit de grillon, puis les gens ont vraiment l'impression que tu es dans le bois. Tandis qu'en télé, moi, de dire, il faut être du budget. Là, c'est bien beau les green screens, là, mais il faut être du budget en calvasse. Imagination, c'était pas mal un mot-clé. Là. C'est vrai qu'on on nivelle tout le temps vers le bas l'imagination. On est en train d'essayer de cultiver l'intimité qui n'existe pas. On est en train d'essayer de la tuer dans la société actuelle, ou de la transformer, mettons, peut-être. Moi, je pense qu'il va falloir partir une manif, quelque chose. Là. Ouais, ouais, pour l'imagination. D'ailleurs, est-ce que tu connais des films vraiment douteux là, qui pourraient passer à l'émission, que tu aurais à nous conseiller? Moi, le film le pire que j'ai vu, c'est un film qui s'appelle... Skipper, c'est un film danois d'ailleurs, je pense, c'est pas très connu, mais c'est parce que moi à l'époque quand j'habitais à Québec, il y avait, c'était le début des machines automatisées pour louer des films. Oh oui. Et puis là-dedans là, ils mettaient tout simplement n'importe quoi là, tu sais, puis ils disaient bon, ben ils mettaient les films de cul puis n'importe quoi. Et puis ce film là c'est Der Skipper, je pense, et c'est un 2 heures où c'est l'histoire d'un gars qui ramasse 2 filles sur le pouce mais sur un bateau et qui dit on s'en va par là. Puis durant 2 heures, ils font du bateau, puis tu penses tout le temps à un moment donné qu'il va se passer de quoi, fait que, oh, il pogne une hache, puis oh, il va peut-être essayer d'en tuer une. Mais ah, non, il redépose sa hache, puis il continue. Il ne se passe à rien! C'est ma marde par excellence. La tienne à toi, bon, ben c'est parfait. Mais je pense que j'aime même pas ça parce que c'est. Parce que moi, quand c'est cheap ou quand c'est. Je trouve ça drôle, ça fait que j'aime ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Les ben... bons vieux, ben les classiques, là, mais tu sais, des affaires comme Brain Dead, là, c'est très drôle, mais c'est très bon aussi, tu sais. Ben oui, c'est bien ça, fait, c'est dans le positif. Nous, ici, ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on va de moins 10 à 10. Puis tu t'improvises à nous si c'est pas trop indiscret? Ben, ça dépend de ce que je fais. J'ai fait des affaires à moins 7 et moins 8. Ah ouais, hein? Mais j'ai fait des affaires à 8 et 7. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est 70%. Les pires, c'est moins 1, genre. Ouais, ouais, quand c'est trop plat. Proche du zéro, qui est l'espèce de meuble blanc sans fond sonore, ben t'es stimulé d'aucune façon. Fait que je veux dire, c'est l'aberration, c'est l'abîme. T'as pas envie de faire face à un 0. Non. Et non. Puis, ben, à l'inverse, t'as envie de faire face à un 9. Moi, mettons, le Fight Club, j'ai vraiment aimé ça, ce film-là. Ouais. C'est un de mes 9 dans ma vie. Et puis, ben, moins 9, c'est Deadly Prey, comme le film que je t'ai mis là-dessus, qui est l'histoire d'un ancien commando du Vietnam qui a été entraîné par le meilleur des meilleurs des meilleurs et qui est pris comme une proie humaine dans un jeu de la mort et qui devient la prédateur. Finalement, c'est comme une parabole. Hein? Le neuf qui soit moins ou plus, en toi et moi, on a c'est autant de fun. C'est ça. Voilà, voilà, on est d'accord. Compris. Écoute, je suis ému. Avant de passer à notre dernière partie d'émission, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter Le Routier, l'enfant. Ah, fais-toi plaisir, mon homme. C'est 6 minutes de plaisir, ça. Oui, on va tous être heureux. Et vous allez puis... me voir brailler. Ben, on va tous pleurer, je pense. C'est sûr. Donc, on laisse les micros ouverts si vous voulez renifler là, pour que ça rajoute du vintage. En tout cas, il fait swinguer sur ses genoux dans le truck, là, moi, t'avouer que... Moi, j'aime ça, l'amour bizarre. Petit Terry, hein? On pourrait faire la version 2007 avec le petit G. Rémi. Je sais pas si on se connaît, vous et j'aime moi. Je crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part. Il s'appelle Teddy, sur hein, la me semble. Yes, sir. Vous, au volant de votre voiture, et moi, dans la cabine de mon sous-marin. Sa mère travaille dans un snack. Ça, c'est une de mes phrases préférées. Oui, je suis routier. J'aime l'aventure et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières. Et bouffer des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. La musique est importante aussi, là. Ah oui. Il va pas vite avec sa à cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. Californie. Et c'est là, justement, que m'est arrivée cette étrange histoire. C'est hors de l'ordinaire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps. Et la fatigue commence à se faire sentir. J'hésitais à réveiller mon helper. Il dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché mon CB, comme on dit par chez nous. C'est cet appareil qui nous permet à nous les routiers de garder le contact et de nous entraider en cas de coup dur. On est vraiment des cartes. Je venais à peine d'allumer le canal 27 de mon CB. Lorsque j'entendis à travers la friture, la friture. Une petite voix lointaine. C'est là que l'émotion commence. Là. Une petite voix d'enfant qui appelait. Allô? Allô les routiers? Ici Teddy. Teddy Bear. M'entendez-vous? Ici Teddy. Ici Teddy. Répondez-moi. Lâche je tournais le bouton de mon CV sur l'émission et questionnais à mon tour. Allô? Allô, Teddy? Hey, ce fond de tristesse comme ça. Ici la route. D'où appelles-tu? D'où appelles-tu? Ici la route. Que veux-tu? les gobos, là. Les Transformers sont nés en 1984. Et puis les gobos sont nés en 1985. Les Transformers, ils viennent de Cybertron. Puis les gobos, ils viennent de Gobotron. Les Transformers se transforment en véhicules terrestres parce que leur ordinateur a jugé que c'était la meilleure manière de rester subtil sur la Terre. Et puis les gobos se sont tout le temps transformés en véhicules terrestres malgré le fait qu'au début de la série, la Terre n'existe pas dans leur champ des connaissances. Mais que ce sera sûrement on va retourner écouter Teddy. J'habite une petite maison tout près de l'autoroute. Vous avez beaucoup de culture d'enfant. Je suis souvent seul le soir. Ma maman est serveuse dans un snack. Oh, la snack. Faire vivre. On est revenu pour le snack. J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion. Ah, son père était aussi. Au lit. Mais oui. Il m'emmenait de temps en temps pour les petites courses. Mais maintenant, il ne vient plus jamais personne. C'est pas pire parce qu'il y a alors, il y avait une journée d'avance sur sa route. Le CB qui nous reste. Ben oui. Pour vous parler un petit peu quand vous passez sur l'autoroute. Et aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que le truck est une perte totale, à part le CB. Il l'a récupéré. Soudain que mes yeux se brouillaient. C'est quelque chose. J'y voyais moins bien. Ses yeux se brouillaient. À la première sortie venue, j'arrêtais le moteur et je sortis ma carte. Dis-moi, Teddy, où habites-tu exactement? Le petit me situait à sa maison. J'avais de l'avance sur l'oreille. Ne jamais faire ça, les jeunes, à la maison. J'aurais mis en avance aussi. Maman, il y a un gros camion. Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. Bon sang. Bon six sang. Énormes vannes m'y attendaient. Ah non. Six copains qui avaient entendu notre conversation et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit. C'est le tellement correct. Et ce fut vraiment la fête. Oh oui. Chacun voulait le porter. L'asseoir derrière son volant. Le cajolé. Ah, le gamin ouais. Rayonnait. Ah, Hermès qui on lui donnait Smirnoff, un là. Petit gadget qu'on avait dans nos cabines. C'est Prince. Et puis, il fallut bien penser à reprendre la route. Je le remis dans son lit après l'avoir embrassé une dernière fois. Hey, c'est je grimpais sur mon siège et je tirais le démarreur. J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. On lui promenait que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. On se quitta enfin. Je n'avais pas fait 3 kilomètres comme on s'y vit crépiter à nouveau. Mais c'était une autre voix. Une voix émue de femme. MC regarde dans le vide. Et elle disait... Allô? Les routiers? Les routiers. C'est la mère de Teddy. Ici la maman de Teddy. Merci, les gars. Vous êtes de braves types. Bonne route. Un peu déviante. Et que Dieu vous protège. Je n'ai pas pu répondre un seul mot. J'ai coupé mon CB. Et alors? Alors seulement. J'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai bon. Bon, hein? Des frissons pour de vrai, là, tout ça le c'est de qui t'as dit ça? C'est John? Ça, c'est John Starr avec 2 R. John Starr. Il est pas parent du tout avec Ringo Starr en passant. Là. Il a fait une partie 2, hein? Oui, il a fait une suite. Une suite. Qui est pas mal pire, par exemple. C'est très pertinent de suite. Où ça, il amène un chien, il trouve un chien sur la rue, puis il amène au kid. Il se rappelle de Teddy, tu sais, puis il vit même tout seul. Teddy, okay. Ah ouais, ben écoute, on lâche pas quand on en tout cas, hein? Ouais, je comprends ça. Hey, maintenant qu'on est allé dans les émotions tristes, on va aller dans un autre des 7 émotions primaires, c'est-à-dire la rage, la haine. Allons-y. Là, il n'y a pas beaucoup d'extraits vocaux dans le douteux de ce soir. C'est pour ça qu'à la place, j'ai fait ici une liste des choses épeurantes ou simili-épeurantes associées au domaine de l'horreur qu'on voit dans le film. Donc là, je vais les lire, je vais essayer de garder mon calme. Donc, dans le film, il était une fois le diable. Au début, il y a un chat noir, ensuite il y a le cheval noir, ensuite il y a la tempête, ensuite il y a les pirates, ensuite il parle de l'Égypte, des caisses mystérieuses, des nuits blanches, des livres de bord perdus, 5 frères bandits, pacte avec le diable, descendance maudite, infirme séquestré monstrueux, vieille ermite, mère du monstre, grotte mystérieuse, chair putréfiée, route qui tourne en rond, cimetière, enterrée vivante, trou de chat, noir, sarcophage, mausolée, momie, hostie de chat, cheval noir, néo-nazi arabais, trop de sang, si je vois un autre Chris de chat noir, le gars finit plus d'agoniser, le hennissement sur repeat, cheval noir de mes deux, Geneviève ressuscitée, mariée à une momie, calvaire de la vraie de melting pot de pas bon, de ça a pas de sens. De... Là, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter ici une séquence encore de ce sus mentionné, Il était une fois le diable. Souffrons tous ensemble de la séquence où le vieux sénile shoot le cheval. C'est vraiment ce qu'il fait, là. C'est que le cheval noir, c'est comme une métaphore. C'est vrai. J'ai vu le monstre, le fils de la vieille. Je sais, mais cela ne m'intéresse pas. Oh. C'est l'animal qui est tout à fait du mystère. L'animal, oui. La momie, monsieur, il vient vers nous. Je vous en prie. Là, il y a la momie. Puis là, l'animal qui parle, c'est un cheval noir. Puis pendant au moins 6 à 7 minutes dans le film, le cheval noir court autour du gars, un beau stock shot. Puis lui, tu le vois avec sa chevrotine, puis il tire un peu partout. Au total, il doit essayer de tirer le cheval minimum 100 fois qu'on entend dans le film. Là, on entend une des 100 fois. Et puis, c'est une espèce de métaphore que j'ai jamais compris et qui me donne vraiment l'impression que des gens, quelque part, en Normandie, rient de nous ici, les pauvres spectateurs que nous sommes. Donc, c'est ça, c'était vraiment la séquence du cheval. Tu as la momie ou non? Lui, il s'en fout, c'est le cheval. Non, lui. La momie, ben c'est ça, il la croise un petit peu plus tard parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait comme un bateau pirate, on n'oublie pas, hein, c'est assez facile à oublier, là, qui était rentré dans la falaise. Et puis là, on va écouter la dernière séquence que le vieux, il pète les plombs, là, il va se battre contre la momie. C'est, j'en étais faut le sûr. Voir en visuel. J'ai toujours dit que le bateau était là. Il est à moi maintenant. Avec ses trésors, ses richesses. C'est je momie. Serai le maître! La momie, monsieur, elle vient vers nous, je vous en supplie. La momie, elle s'en vient. Ouais, elle fait boum boum. Voilà, il va se battre contre la momie. En fait, c'est assez fabuleux parce qu'il tire une balle dedans. Puis là, il fait un zoom sur le trou pour qu'on voit, qu'on comprenne que la momie a vraiment été touchée puis que ça y fait pas mal. Puis là, le gars qui vient de tirer au 12 dans la momie, puis que la momie, ça y a rien fait, ben, décide d'aller à côté de la momie, recharger son 12 et l'insulter. Comme là, c'est là, il vient de tirer dans la momie. Là, il va s'approcher de la momie. C'est parce qu'une arme de distance, c'est pratique parce que tu peux rester loin. Oui. C'est ça l'avantage, tu sais. Il dit ça. Là, là, c'est ben trop long, là. Trouve-toi de mon chemin! Yeah, c'est ça, tasse-toi, momie. Le bateau est à moi maintenant. Je suis ton maître. Je suis ton maître! Tu n'es que mon esclave! Ça n'a rien rapport. Là, il vient de se faire muncher. C'est un beau munch frontal. Tout simplement. Ah oh, oui, c'est ça, on est bien peu de choses. Un munch, c'est quand que quelqu'un te tient la tête puis la tourne. Puis là, tu tout simplement. Ah. Voilà, ça crée des cadavres, là. C'est assez facile. Dans Montréal-Nord, ça se fait-tu, ça, ou non, on est correct? Ça doit arriver, ça doit se moucher. Et Murphy le faisait dans l'enfant sacré du Tibet, ouais. À pas mal de reprises. Fait que là, pendant que le vieux dont personne n'a rien à chier, est en train d'agoniser, on va partir de notre trame sonore de fond ici. Que c'est Megaman 2, non? Ouais, c'est Megaman 2, c'est le stage de Dr. Willy, pardon. Ah, c'est le bon temps, ça. Ouais, le cinquième de ce stage. Oui, oui, oui. Là, chez moi, là. Ah, moi, j'ai une petite série de questions pour toi, mon MC. En rafale, quelque chose? Oui, c'est ça. Là, ça va être en rafale. Puis t'as comme deux choix. Puis là, tu choisis celui qui te tente, là, tu sais. Bien, comme là, je te dis, le country ou un massage thaïlandais? Le country. Les huskies ou les foreurs? Les foreurs. Underground à rabais ou pop recherché? Underground à rabais. L'aile ou la cuisse? Ah, oh, la cuisse. Terminator ou le dernier des Mohicans? Terminator, écoute, il est tellement viril. Pète ou répète? Répète. Pète ou répète? Répète. Pète ou répète? Répète. Pète ou répète? Ok, on va prendre le pète, ça finisse. À toi, t'avais-tu une autre question? MC Gilles, la question qui tue. Oh, non, je voulais juste faire la joke pour vrai. T'as même plus de questions pour moi? Vous avez quelle question? Qu'est-ce que tu penses de travailler à Musique Plus, toi? Hein? Qu'est-ce que tu penses d'avoir travaillé à Musique Plus, toi? Écoute, c'est tout sauf payant, ça, que je voulais travailler là. Non, mais il faut comprendre qu'ils sont pas UDA, eux autres, hein, fait que c'est ça. C'est pour ça qu'ils font des concours VJ recherchés. C'est très cool, ça, VJ recherché, soit dit en passant, parce que les d'habitude, les Love Story, les autres choses de ce monde, ben, t'es comme pogné là un mois, mais VJ recherché, t'es pogné là deux jours, puis ils prenaient un break de cinq jours chez eux, puis ils revenaient le vendredi soir, puis t'es pogné là deux jours, puis c'est ça. C'est ce que je pense de Musique Plus. Non, c'est, ça te donne de l'exposure. Regarde, ils font des émissions un peu différentes puis tout ça. Mais disons que c'est pas écouté beaucoup. Puis il faut pas t'attendre que le monde va se battre pour toi après là. Ah, ok, ouais. J'ai été chanceux, j'ai participé à des émissions. Tu sais, le gros show, c'était le fun. Ouais, t'as plus participé, t'as pas fait ça, je sais. Non, non, j'étais pas. J'ai jamais été VJ, malheureusement. J'ai entre Reg puis Valérie Simard, là. Puis Mathieu. Ils se sont dit que t'avais pas encore l'expérience, puis le talent nécessaire. Je suis pas assez gelé non plus, je pense. Parce que, faut remarquer ça, le Reg, là, quand il anime, là, hé, monsieur, hein, c'est rouge. Impossible, il est bien trop professionnel. C'est rouge, ces petits yeux-là. Il a pas assez d'argent pour se payer du visine. Musique Plus, agissez. Faites quelque chose. Hey, ben, MC, merci bien gros d'être passé. Ben, merci à vous autres. C'était pas mal cool. J'ai hâte de voir vos vues. Pis tout, là. Ben, on s'en va écouter Il était une fois le diable avec, bien sûr, le pilote des gobos. Mais là, vous dites ça, là, de même. Mettons qu'il arrive 1000 personnes, que c'est vous faites, là, le feu. Il y a des acquis pour tout le monde. Ah, oui? Il y a des acquis pour tout le monde. Oh, oui. Ah, on va bien lancer les acquis. J'ai même il nous fait ça un indicatif ou il est trop plat? Ah, oui, c'est vrai ça. Vas-y, ah, ben, bon non, réflexe. Ça me fait plaisir. Il faut-tu arrêter le thème ou qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, tu dis ici MC Gilles, alias Dave, puis j'écoute 70%. Ou ben, ici Déméthane la grenouille, et quand je n'ai rien à faire, je m'assis sur mon beigne et j'écoute 70%. Checkez bien ça. Vas-y, mon gars. Ici MC Gilles, et quand je me perds sur Internet lors de deux sites bizarres, oh, j'écoute mon émission préférée, j'ai nommé 70%, parce que moi, je suis un homme issu des années 70. Oh, que oui! Et voilà. Hein, c'est pas fait, hein? Il nous l'a fait. Hey, merci hein? beaucoup. Ah oh, oui, ben, il l'a fait c'est... certain. Hey, ça veut dire que là, on est rendu au moment où on l'a dit merci, on a dit merci à Israël. Ouais. On roule dans la boîte, puis on met des plumes. Non, on va plus aller écouter le thème des mondes engloutis pour ton oh, yes! finale de l'émission. Vieille série animée française des années 80. Ça, c'était un bon moment. Oui. Bref, que salut, hein, on s'aime. On un déjà. Petit mot de la fin. Voilà, on verra pour la semaine prochaine ce qu'il va y avoir. Ça risque d'être imprévisible. ouais, mais ça risque, pardon, d'être Hubert Gagnon, le gars qui fait la voix de Mel Gibson puis d'Homer Simpson. Et voilà. Il va appeler du chalet. Et de feu, Optimus Primus, il va appeler du chalet. Ouais. Donc, on ne lui demandera pas une bonne expérience de chalet parce que lui, il a l'air d'être pas mal blindé. Il va dire ouais. là. Et voilà. Bon, ben, merci encore. À la prochaine, tout le monde. Salut les boys. Enfant de lumière, suivez-moi, vous. profit and a small bank can be happy. For the moment I destroy theory and pass with hope to rebuild and destroy again. You can come face to face with God and never know it unless you believe. Another nod to the first of good ideas to conquer. I'm too pretty for your DJs and too broke for face of the system. Breakers hate my beats. No blowjobs, opportunities, label rounds. So man, I did eat your beef heart out. Jesus fucking Christ, I'm a member of the new rap pack. I shall remain with you. That.